L'Italie, pays d'émigration. L'Italien est disposé à sortir de son pays natal et n'a pas de répugnance à s'expatrier. Max sort, géographe. Combien y avait-il d'Italiens parmi ces anciens légionnaires, parmi ces vétérans établis dans toutes les colonies de l'Empire? Combien de marchands italiens, au cours du Moyen-Âge, ont signalé les routes commerciales de l'Europe occidentale jusqu'aux rives de la mer du Nord? Combien d'artisans italiens se sont établis dans les villes commerçantes de la France, surtout dans celles de la France du Midi, y ont créé des industries de luxe? Le courant est ininterrompu? La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Non, le courant n'est pas interrompu. Bonjour à vous, Caroline Douki. Bonjour, merci pour votre invitation. Oh, combien de marins, oh, combien de montagnards italiens. Ce sont les montagnards italiens qui, d'ailleurs, ont souvent requis votre attention. Oui, c'est cela. Ouais, qui descendaient vers les plaines. Oui, l'Italie ayant cette particularité d'être un pays à la fois maritime, méditerranéen et montagnard. Et de ce fait, donc, elle est particulièrement bien placée pour être un espace de circulation migratoire, d'émigration tous azimuts. Juste un mot de la situation actuelle, sur laquelle on reviendra peut-être à la fin de l'émission. Immigration, bon, on sait qu'elle a connu une accélération ces dernières années. On ne sait pas que l'Italie est un pays de transit. Migrérance, disent certains géographes. Et c'est un pays d'émigration de nouveau, avec de très nombreux départs. Oui, exactement. Alors, il y a des migrations qui relèvent de circulations structurelles liées à la mondialisation de la circulation dans certaines professions très qualifiées, la mode, l'informatique, le high-tech, les étudiants, les artistes qui migrent aujourd'hui comme ils le faisaient auparavant. Mais c'est vrai que l'Italie, comme d'autres pays de l'Europe méditerranéenne en crise économique et financière, de nouveau, depuis une dizaine d'années, pour cause de chômage, d'endettement des ménages, de précarité très forte pour les jeunes, d'impossibilité à trouver du travail, est redevenu un pays d'émigration et d'émigration de travail. Mais si vous le voulez bien, on va commencer au 19e siècle. Hier, Jean-Noël Schifano nous expliquait toutes les conséquences terrifiantes qu'avait eu pour le sud de l'Italie l'unification sous la houlette de la dynastie de Savoie. Vous êtes d'accord pour dire que l'unité a été un moment important dans la multiplication de l'émigration italienne? Oui, incontestablement. Alors, il faut faire le lien avec ce que disait Jean-Noël Schifano là, hier, mais aussi peut-être avec ce que disait Max Sor, où il présentait l'émigration des Italiens comme une tradition nationale, une sorte de génie national depuis l'Antiquité. Il n'a pas tort d'insister sur le fait que ces migrations existent depuis l'Antiquité, mais en fait, ce n'est pas un génie national. Ça participe du fait que toute la Méditerranée, tous les espaces méditerranéens dont l'Italie fait partie, en fait, connaissent des mobilités traditionnelles, des circulations traditionnelles. Oui, mais l'unité rompt des équilibres traditionnels, voilà. Justement. Donc l'unité et les mouvements économiques du 19e siècle vont changer ces migrations traditionnelles. Donc le lien avec ce que disait Jean-Noël Schifano est exact. C'est-à-dire que l'unification italienne, qui est un phénomène de modification politique et aussi d'unification économique, va déstabiliser en fait un peu toutes les régions italiennes, et notamment va déstabiliser de manière très disruptive, négative, la société et l'économie du sud de l'Italie. L'unification italienne va aussi, d'une manière générale, faire peser une fiscalité vraiment très très pesante, très forte sur les campagnes, voilà, qui va obliger des petits propriétaires ou des moyens propriétaires à vendre. L'unification, qui est un projet de modernisation politique et aussi de modernisation économique, va vraiment transformer, en fait, moderniser les campagnes. Et ça va se traduire par des régions gagnantes, des régions perdantes, et aussi dans la société par des perdants et des gagnants. Et donc, il y a une masse de pauvreté rurale qui va alimenter une immigration qui désormais est vraiment massive et qui par ailleurs, on va peut-être pas en parler tout de suite, non, on va entendre Max va changer Sort, de destination. Puisque vous aimez Max Sort avec le grésillement qui accompagne sa voix de géographe des temps anciens. Pendant tout le 19e siècle, jusqu'aux environs de 1885, l'émigration italienne vers les terres d'outre-océan ne représente qu'un faible ou un médiocre pourcentage de l'émigration européenne totale vers ces mêmes contrées. La participation de l'Italie à ce grand courant qui va sans plan à partir du milieu du 19e siècle est restée longtemps très inférieure à celle de la Grande-Bretagne et à celle de l'Allemagne. Mais après 1885, lorsque le pourcentage de ces deux pays s'abaisse, surtout le pourcentage de l'Allemagne, l'Italie prend une part prépondérante. Elle est au premier rang avec 30% du nombre des émigrants durant les cinq années 1901-1905. C'était la première nouvelle. De la frontière, il nous avait envoyé une carte postale. Et sur la photo, il avait écrit « Buongiorno dalla Francia ». Il y a eu d'autres lettres avec de l'argent. Octobre 1910. Cher frère, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé, ainsi que Francesca et Pierino. Je pense que les récoltes se sont bien terminées maintenant. Et les patrons, aurez-vous assez pour l'hiver? Encore une fois, j'ai quitté la mine, car je n'ai gagné pas assez. Mais j'ai trouvé une place à l'usine à côté. Je loge à la cantine. La bacana, c'est la sœur de Pietro. Alors, j'y suis bien traité. J'ai retrouvé aussi les hommes du village. Ici, à la mine, ainsi qu'à l'usine, il y a beaucoup de travail. Il y en a aussi pour toi, Antonio. Viens me rejoindre. Marcello est parti à Paris travailler comme aide-machon. Je vous embrasse fort, Domenico. L'italien en Lorraine. Alors, on a beaucoup d'histoires qualitatives de l'émigration, mais des histoires quantitatives sont possibles aussi parce que l'État italien, d'emblée, ça c'est une des grandes leçons de vos travaux, Caroline Ducchi, a mis en place des appareils statistiques. Oui, ça s'inscrit dans les formes de modernisation de l'État et puis aussi, dès les années 1870, en fait, en Italie, face à l'émigration très massive qui touche toutes les campagnes de l'Italie, les élites italiennes entrent dans une grande polémique entre ceux qui s'inquiètent du dépeuplement de l'Italie par cette émigration et ceux qui se réjouissent de cette émigration en disant que ça va résoudre des problèmes économiques, sociaux, que ça va enrichir certains secteurs économique italien, notamment les compagnies maritimes. Donc, un des moyens de l'État italien pour trancher dans cette polémique et pour gouverner une situation économique et sociale qui devient complexe, c'est de créer une statistique officielle de l'émigration, donc qui est créée en 1876. C'est-à-dire au moment où cette émigration devient massive, pour accompagner cette émigration. Ce qui prouve d'ailleurs que les pouvoirs publics italiens ne sont pas rester à la traîne de ce graphique. Et c'est pourtant un État libéral. Et c'est un État libéral. Mais comme tous les libéraux, ils veulent des indicateurs rationnels pour pouvoir gouverner au mieux. Ils vont même mettre au point des politiques de protection sociale des gens qui partent. Comme certains libéraux, ils peuvent avoir, les Italiens en tout cas, une politique sociale. Oui, alors ça intervient au début du XXe siècle, à partir du moment où les libéraux qui arrivent au pouvoir en Italie, l'homme politique le plus connu de l'époque s'appelle Giovanni Giolitti, ont à la fois une politique libérale, mais aussi une politique de réforme sociale. Et la grande question sociale en Italie à ce moment-là, ça n'est pas comme dans d'autres pays la question ouvrière, c'est la question de l'immigration massive, de la pauvreté rurale qui se transforme en immigration. Et la grande question sociale, c'est la vulnérabilité des migrants. Donc, pour des motifs qui sont des motifs sociaux, mais aussi des motifs de souveraineté nationale. On n'abandonne pas sa population si on veut être un État européen respecté. On espère toujours que les migrations temporaires ne deviennent pas définitives. Les statistiques, expliquez-vous, Caroline Ducchi, elles partent des inscriptions des départs dans les municipalités rurales. Alors, voici un témoignage venu d'un paysage de campagne dans le sud de l'Italie. Vous entendrez au bout d'un moment, vous ne vous en étonnerez pas, des esprits tintinabulés. C'est une vraie jument, regarde, regarde. Et là, le petit, regarde-le, il a seulement 20 jours, il est déjà fort. Beau petit, hein. C'est vraiment sûr cette fois? Oui, cette fois on part. Et ta mère? Si elle veut venir, elle viendra. Si elle veut pas venir, je la laisse avec toi, ici. Nous trois, on va partir. Oh, toi! Ils sont tous là, tous les esprits! Ils veulent rien savoir! Ils veulent pas nous laisser partir! Et ils peuvent pas partir avec nous, les esprits? Ils craignent la mer. Ils ont dit qu'au-dessus de la mer, il y a des âmes errantes, des âmes volantes. T'as qu'à les convaincre, alors ! Ils craignent la mer, les esprits. Alors, un de vos grands objets d'étude, c'est la migration transatlantique dont on n'imagine pas jusqu'à quelle perfection l'organisation en était faite. Alors, c'est un des éléments d'inquiétude des pouvoirs publics italiens. C'est la manière dont les émigrés peuvent être exploités par les intermédiaires de migration et par les compagnies maritimes. Donc, un des premiers éléments de protection, on va dire, ou d'assistance aux migrants, a consisté, dans un état d'esprit libéral, à essayer de trouver un dispositif de marché pour régler cette question sociale. Donc, en labellisant les compagnies maritimes. Donc l'État italien réglemente travail des compagnies maritimes, qui restent bien sûr des compagnies privées, qui peuvent être italiennes ou qui peuvent être des grandes compagnies allemandes, françaises et anglaises. Les compagnies maritimes, elles vont chercher les paysans, peut-être pas avec les esprits, recrutant dans les villages, les accompagnant ensuite dans les ports de départ, organisant leur attente dans les ports de départ et à l'arrivée aussi, distribuant entre les colonies de colonisation. Alors, en fait, c'est ce que les compagnies maritimes faisaient. Et de plus en plus, ce que c'est de faire l'État italien, c'est de faire en sorte que pour que ces compagnies ne recrutent pas en provoquant une immigration qui est considérée comme artificielle, puisque provoquée par des compagnies maritimes qui n'auraient d'autres soucis que de remplir leur paquebot. En fait, elles essaient de faire en sorte qu'ils soient des fournisseurs d'un transport maritime sécurisé. Et donc, on encadre, les pouvoirs publics encadrent les prix, demandent le respect d'un cahier des charges qui assure des conditions suffisamment humaine à bord, ce qui permet quand même de sécuriser le transport, pas beaucoup moins de risques de mort, beaucoup moins de risques de maladie, ce qui permet aussi pour les migrants d'avoir accès à des transports qui sont pas forcément peu chers, hein, les prix baissent pas tant que ça, mais ce qui baisse, ce sont les incertitudes, les coûts de transaction avec les intermédiaires, et donc ça facilite ça facilite les formes sociales et économiques de la migration transatlantique. Cela en 5 minutes à Blois, je vous interromps, pardonnez-moi, 5 minutes à Blois, dimanche, vous commenterez un billet de 2e classe samedi, et un billet de 3e classe. Je vous donne 180 secondes pour défendre votre thèse d'autrefois sur les effets de l'émigration revenant dans les montagnes. Là, dans cette région limitrophe de la Toscane, dans les montagnes qui descendent vers les plaines. Quel effet sur une région, l'émigration ? Alors, sur une région de montagne ou sur des régions qui pouvaient être des régions maritimes comme en Sicile, en fait, une partie des élites politiques et économiques qui ont extrêmement peur des effets de l'immigration, ils disent on va manquer de main-d'œuvre, ça va faire augmenter les salaires, les familles et le respect du haut notable va être ébranlé par l'immigration, l'immoralité, la perte du catholicisme va progresser, ces migrants vont se radicaliser politiquement à l'étranger en fréquentant des ouvriers syndiqués. Et puis, ils vont perdre leur identité italienne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de craintes sur les effets des départs. Mais en fait, quand on regarde ce qui s'est passé, cette émigration, elle a participé à un rééquilibrage des populations, à un rééquilibrage de l'offre et de la demande de main-d'œuvre dans les campagnes. Elle n'a pas dépeuplé les campagnes parce qu'une grande partie de l'émigration, en tout cas jusqu'à la Première Guerre mondiale, est une migration de circulation, soit saisonnière, soit temporaire. En tout cas, ça n'a pas vidé les campagnes. campagne. Ça a permis des retours d'argent, donc une injection d'argent dans les économies familiales et domestiques, et aussi dans les économies régionales et dans l'économie nationale. Et très souvent, les migrants, en fait, n'étaient pas démoralisés ou ne perdaient pas leur morale et leur racine familiale. En fait, dans l'épreuve de la migration, ils se recentraient sur la famille comme refuge, ils se recentraient aussi sur la religion catholique. Et bref, ces effets, dans un premier temps, pouvaient être déstabilisants pour certains repères locaux ou régionaux, mais les choses en fait se sont régulées et on se rend compte que dès la Première Guerre mondiale, l'économie et la société italienne vivent vivent de l'émigration et de ses retours d'argent. C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien, et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Il n'en est pas sa propre più. Se ci siete, aprite una porta. Dirò com'è stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta. Dirò com'è stato laggiù. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Serge Reggiani et ici Caroline Doucchi. L'Italie, pays d'émigration. Alors, venons-en aux années 20. Vous avez cité les effets de la guerre de 14. Dans les années 20, ben, les données sont décroissantes parce qu'il y a une limitation aux États-Unis de l'entrée, il y a une limitation au Brésil. Et puis alors, du côté du régime fasciste, à partir du milieu des années 20, une forte limitation. Oui. C'est déconseillé de partir. Oui, c'est même interdit. En fait, le régime fasciste, jusqu'aux années 1927, vit avec l'immigration, considère que ses effets économiques peuvent être bénéfiques. Et ensuite, à partir de 1927, pour des raisons politiques, pour aussi parce qu'il a une politique démographique qui est populationniste et aussi qui veut développer l'immigration intérieure, donc interdit l'immigration définitive, l'immigration économique définitive à l'étranger. Cela dit, à plusieurs reprises dans les années 1930, le régime fasciste va réouvrir assez tacitement, mais va réouvrir de temps en temps les frontières quand il y aura trop de chômage à cause de la Grande Dépression dans certaines régions italiennes. Documentaire d'Axel Clévenot, la nièce d'un opposant politique au fascisme qui a eu 1000 difficultés pour rejoindre les Alpes-Maritimes. Et une fois qu'on a rejoint, quand on est italien, les Alpes-Maritimes, on le sait encore aujourd'hui, ça n'est pas fini des problèmes. Et mon oncle est parti, il est passé par Gênes, dit-il, et là, il est parti dans une barque. Ils étaient à deux, il y avait un passeur, ils étaient deux, ils les avaient allongés dans le fond de la barque avec des filets de pêche par-dessus et tout, ils faisaient semblant de pêcher, et il les a déposés à Menton. Et là, il les a déposés. Alors, on ne connaît pas la langue. Il avait 17 ans. Il n'avait presque plus d'argent, parce qu'il avait fallu payer le passeur. Et il y a un monsieur qui s'est approché de lui et qui lui a parlé en italien, qui lui a dit, mais tu es italien, toi? Il dit, oui. Tu viens de passer la frontière? Il lui dit, oui, mais alors il ne faut pas rester là. Il dit, parce que tu vas être repris par la police française et elle va te renvoyer là-bas. Et quand tu vas être là-bas, on va te remettre à la police italienne. Et il l'a emmené chez lui. Il l'a aidé. Et lui-même a été dénoncé. Dénoncé parce qu'il héberchait un garçon qui n'avait pas de papier d'identité. Tout la police est donc venue. Ils avaient caché mon oncle. Bon, mon oncle m'a expliqué qu'il l'avait mis entre deux matelas. Il était tellement maigre que je pense que ça pouvait être vrai. Collaboration entre deux polices. Police et migrants, c'est un de vos thèmes d'ailleurs, ça, Caroline Duki. Oui, ça l'a été. Donc là, le témoignage qu'on entend là est très intéressant parce que il montre comment, donc là c'est les années 30, il montre comment en fait pendant les deux décennies du régime fasciste, l'exil des antifascistes n'a jamais cessé et c'est des milliers de personnes qui se sont enfuies, donc sans passeport, par voie de terre, par voie de mer, en barque et qui sont allées, alors se réfugier dans les pays voisins comme la France, dans d'autres pays méditerranéens. Certains ont réussi même à accoster en Amérique. Ce qu'on voit aussi, c'est comment il y a une sorte de convergence des deux polices fascistes qui veut garder et contrôler ses opposants politiques. La police française qui, dans les années 30, veut bloquer l'immigration pour des raisons économiques et politiques. Ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est quand même l'aide humanitaire que trouve cet exilé politique auprès d'un Français qui l'aide comme on peut aider quelqu'un qu'on trouve dans le besoin dans une région maritime ou de montagne. On n'a pas assez parlé des migrations intérieures, qu'il est là carrément impossible de juguler, ni non plus du cinéma devant les migrations. Voici l'occasion qui nous est fournie par le classique de Visconti, Rocco et ses frères. Une famille arrive du bas de la botte à Milan, où un de ses membres est déjà installé, mais pas très confortablement. Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est que cette caravane? N'en parlez pas. Non, mais d'où ça vient, tout ça? De Lucanie. De Lucanie. Mmh. Où ça se trouve donc? Tout en bas, dans le fin fond du pays. Je comprends tout. Excuse-moi, maman, mais... pourquoi tu m'as pas écrit que vous arriviez tous? On t'a bel et bien écrit. Oui, que vous en aviez l'intention, mais c'était à la mort de notre pauvre père. Et moi, je vous ai répondu que d'abord, il fallait que je trouve du travail pour eux tous. Et qu'après, on en reparlerait. Parce que, vous savez, pour trouver du travail à Milan, c'est pas facile. Asseyez-vous, racontez-nous quelque chose. Allons, racontez-nous votre voyage. Venez vous asseoir là. Vous n'allez pas me dire que vous avez peur de moi, non? Il est timide. Après tant d'heures de train, vous devez être fatigué, non? Eh bien, Rosaria, tu nous en as fait une belle surprise. Quel malheur, quel malheur. Je ne me consolerai jamais. Non, continuez, ah, c'est pour la jeunesse. Vous devez trouver qu'il fait froid, Milan, n'est-ce pas? Froid? Non. Tenez, servez-vous. Vous avez peut-être faim, vous n'avez donné à boire, mais... ce que vous aviez dans votre baluchon. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, avec toute cette famille sur les bras? Où je vais les mettre? Où je vais trouver les sous pour leur payer de quoi se loger? Pour ce soir, ça va, je les ai casés à droite et à gauche. Mais demain, comment je vais faire pour me débrouiller? Ah, le cinéma italien et l'immigration, et les migrations. Je dis bonjour à Fabrice Drouel, parce que nous avons ce privilège tous les deux d'avoir été au Festival du cinéma italien de Villerue, qui a lieu fin octobre et qui consacre souvent beaucoup de Absolument. Séances. Vous avez été malade là-bas. Oui, terriblement malade au mois de novembre. Oui, mais là, c'est fin octobre. Cinéma... et émigration. Alors s'il y a un festival à Villerue, ça indique bien qu'en fait l'émigration. Ouais, ça indique bien que l'émigration et l'immigration dans le cinéma, c'est en fait l'émigration, c'est un genre cinématographique à part entière en Italie et dans les pays d'immigration, que ce soit en France, aux États-Unis, etc. Le cinéma italien, il a jamais cessé de mettre en scène l'immigration italienne des origines jusqu'à maintenant, puisque en fait dans les années 1910, il y avait des studios de cinéma italiens qui produisaient des films muets qui racontaient les déboires ou la débrouille des émigrants et qui diffusait ces films à l'étranger auprès des Italiens émigrés pour les divertir. Et puis ensuite, dans l'entre-deux-guerres, comme dans les années 60 avec Rocco et ses frères Visconti, d'autres cinéastes italiens ont beaucoup mis en scène ces questions. Alors parmi les films qui ont marqué, il y a celui de Montal, d'Osako et Vanzetti en 1971, qui raconte les déboires de deux anarchistes italiens qui ont été exécutés aux États-Unis dans les années 20. Le film de Franco Bruzzati, Pain et chocolat, en 1973, où on voit Nino Manfredi, qui est un immigrant italien en Suisse dans les années 60-70, qui prouve d'ailleurs que, en même temps que les Italiens du Sud migraient dans les régions industrielles comme Milan, ils continuaient à émigrer dans les régions industrielles européennes, cette fois beaucoup moins la France, mais surtout l'Allemagne, la Suisse, etc. Et puis aussi les frères Taviani, dans les années 80, nous ont offert leur grand Good Morning Babylonia, Golden Door de Criales, et qu'on a entendu tout à l'heure. Et il faut pas oublier que le film d'immigration italienne est un genre hollywoodien dès les années 1930. Howard Hawks a fait Scarface en 1932, film qui était censuré dans l'Italie fasciste parce qu'il donnait une mauvaise image de l'immigration italienne, le gangstérisme, la délinquance et l'immoralité du héros. Et n'oublions pas que tout le cinéma du nouvel Hollywood des années 1970 a été animé en partie par les cinéastes issus de l'immigration italo-américaine, Scorsese et bien sûr, qui a produit aussi un film où on y monte des immigrants et la boxe, avec Raging Bull, qui raconte l'épopée de Jack LaMotta en 1980. Et puis, on n'a rien oublié là. Si, Francis Coppola avec Les Parrains. Et le deuxième volet du Parrain revient à l'origine du clan des Corleone en Italie, et finalement nous remet dans cette question des causes de l'émigration. Alors on vous retrouve à Villerue peut-être fin octobre, mais vêtez-vous chaudement, et à Blois, ce week-end, nous sommes, nous, en direct dès jeudi à 14h30. Cette émission a été préparée par Elinka Negulesco, avec à la technique Élise Christophe. La réalisation, c'était Audrey Ripouille. Alors, Fabrice Rouel, on vous a entendu, mais je n'ai pas eu le temps de vous dire que Caroline Tuki fait de la montagne. Ah, comme un certain Walter Bonatti. Oui, alors. Ah oui, c'est certains. Qu'est-ce que vous avez appris récemment dans Affaires Sensibles à propos de Bonatti ? Eh bien, son épopée quand je peux parler. Oui, ben oui. Son épopée quand il a des problèmes dans l'Himalaya. Oui, et ça c'était dans ce qu'on appelle les fictions d'affaires sensibles. Et voilà. Aujourd'hui, on va raconter toujours avec Bonatti et le Français Pierre Mazo l'ascension tragique du Freinet en 1961. Ils partent à 7, ils reviennent à 3, oui, vivants. Il paraît que la façade de l'aiguille Bonatti s'est effondrée. Vous le saurez en écoutant Affaires Sensibles. Vous posez la question à Pierre Mazo dans un instant. C'était encore plus efficace d'ailleurs.